Soyez tous salués. Ben, c'est une surprise pour beaucoup parce que c'est dimanche, effectivement. Dimanche qui est normalement mon premier jour de silence. Mais comme je vous l'ai dit dans une petite vidéo de 11 minutes, que aujourd'hui je fais un grand sacrifice car il a fallu qu'on puisse travailler sur beaucoup de points par rapport, n'est-ce pas, à la marche vers comment dirais-je, vers le retour à nos rites traditionnels africains. Et c'est ainsi que donc la jeune équipe qui travaille avec moi m'a vraiment mobilisé. Et là, nous n'avons pas encore fini, nous avons rendez-vous, nous avons renvoyé le rendez-vous pour la semaine prochaine. Il était donc très important que ceci soit fait. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous aborder sur ce thème très important. Le thème, c'est le début du retour à nos traditions africaines. Mais pendant que ce retour a un début remarquable, que se passe-t-il au sein des religions? Que se passe-t-il au sein des églises, au sein des mosquées? Quelque chose se passe et je veux pouvoir partager cela avec vous. Je vais vous amener des estimations qui reflètent plus ou moins la réalité. Et alors, pourquoi et comment expliquer le phénomène du syncrétisme qui ne fait que grandir? En effet, le syncrétisme est en train de connaître une montée terrible. Pourquoi cela? Et qu'est-ce que c'est le syncrétisme? Voilà donc. Après cette rencontre, à mon jour de silence, je sais qu'il n'y a pas beaucoup qui beaucoup vont être surpris, effectivement, parce que ça arrive rarement. D'accord? Mais une fois, peut-être tous les 2 ans, ça arrive. Par exemple, quand on préparait les séminaires au niveau de la France, j'étais beaucoup sollicité que finalement, les dimanches, parfois, je brûlais. Mais rassurez-vous que ça va être rattrapé. Donc, ça va être rattrapé, ça veut dire qu'au lieu que ça finisse mardi, je serai obligé de finir mercredi. Alors, je reprendrai lundi, mardi, mercredi, parce qu'il faut que je respecte cette tradition des 3 jours de silence. Bien, le retour aux sources, le retour à nos traditions africaines, les conséquences que cela a naturellement sur les religions qui nous ont été imposées et forcées, et ensuite, pourquoi certaines personnes adoptent finalement le comportement de syncrétisme. Le comportement du syncrétisme, nous savons ce que c'est. Mais avant de démarrer, et le temps de vous permettre donc d'inviter le maximum de personnes, bien que je n'ai invité personne, veuillez m'excuser, une fois de plus, vous allez dire, ah là là, le maître a fait une surprise à tout le monde. Et bien, nous allons donc partager ces expériences ensemble, et il y a une raison pour laquelle je fais le sacrifice. Mais bien sûr, ça va être rattrapé, comme je le disais, donc à partir de demain. Donc, nous allons commencer à l'ouverture donc de nos propos, écouter quelques paroles, n'est-ce pas, qui sont dites. Dans l'une, pardonnez-moi, ici donc, il y a un cousin, un neveu, je voulais dire, qui le dit à la langue maternelle, d'accord? Et vous allez écouter. Souvenez-vous le titre, hein? C'est le retour, le début du retour à nos traditions, à nos rites et traditions africaines. Et ensuite, moi-même, je vais enchaîner dans une autre langue. Merci beaucoup. Iburubatu mwelengi kengi muneka mangi no muhungu yeno diburu nyangi no magwangu mbolwani yisire dilongo yisirigisa yisire munongo dukongo dubulongo kilongo ya buhi bulongo na tangu malongo maduka bulongo yisira murwala bulongo muduma mubamba mureya muyamba Pembi, tsihu, malumbi, jumi, gisira, muhisi. Nyui ya tsamusiwisi, lusambu lusamba nyambi, gisira, muhila kuru asataru. Mwana tatidenza ambisa di mbumbato wa yulumuru. Dikiringinza di mulunde di sadodu na nyoni, gisira, bati, samasoni. Mutu mambo, mukanyi mambo, gititi gimi vangu, mutu hitu, unandiu hitu. Hisira ya ndiye nyambi ya vajilu hitu. Hisira dilongu, hisira gisa, hisira guluseno, hisira kuti, hisir buburnu hisir higonzi gingandi sagisir bungusu sagisir maki mamaki gaba setanda no bukulu na hisira hisira gilembi toku hitotu gilemba putu putu na lemba lemba hisira muabi mbimbi tate de nzambi hisira murehi hisira nzambi hisira bureti kebunyehi hisie mukungalwa sakambu ni hisira uhisira ahisira lubisira nubisira babo tubisira luyakulu nguhisoni padwa benguni lwambini nga hisira mulevu kunyambi inyambi hisira dilongo lya kwambili nyambi mwayo hisira nyambi aungwe mbolwani inongo nyingomi ene inongo nyiremane nyapakili nintse obako nukuna na rui pake ninongo awadu ane mpamwe awubano bamba awadu ane bakete wadana teke wadanega mende akota ni benga inongo kinongwe nyukonche yazo inongo kinongwe du konche yazo epangane inyono ninongo niteta nyambi niteta rambe teta rera nyambi yaba nginche nuruwa kondene ginongo epakili nongo ekamba zo inongo inongo nye kambozo mye kambi nongo awe kambi nongo e kambi nongo zwe kambi nongo we kamba nongo we kambi nongo ambege kamba wi nongo oneme we kunungu na uwana ke kambo inina nyire ra nyambi nyire ko nemewo konde ne kapa kilinche re ra nyambi kapa ngiye nche nche ni mpundu kanongo dudu kapa kili wawo ipila wako putu pakila wako nche yazo anibi nongo inongo nye nye himori ambene umedu kosamu kosamu edu kipi kila sipi kile edu kika mugi kambe edu kika bora ikendo wenu mpake no mbora mpake ni kamba pake ni pikili ya uruko kambi nongo pikila ki nongonyo kondene ki kambi nongo nongo nyepanga weko nungwa inini nyo nini na nyaba kili wawo kero mulunga wabango nire na nyambi ya obange bange divanga banga ipanga ne kini nyo mbumba ya mende mbumba yokodu okodu ya boru aboro yora ya rondo arondo ya mende ya mburuwe yo sabu osabu ya mende iradi aka ambeke kendo inani nani nani na ze kenda we kenda e kenda zwe kenda we kenda ambeke kenda zwe kikanda mesono zebuma kikamba nyeni himore zebuma kakire tata riranyambi kaba kinchenu roa ine ibinya shokuwa kabino nokuwa inongwa ile nukifinya zego kakoko. Bien. Vous pouvez, pouvez imaginer. J'ouvre les propos donc de cet enseignement ce soir avec les paroles de mon neveu qui a parlé et qui maîtrise très bien notre langue gisir. Mais pour ceux qui ne sont pas gisir, c'est l'une des langues parlées au Gabon. C'est une langue bantou. Et je viens de parler en langue omiyene. Et dans le groupe gomien, naturellement, nous avons près de 5 qui nous comprenons. Il y a les Gallois, les Nkomi, Orungu, Mpongwe, Sekane, et probablement, à l'époque, c'est une ethnie qui commence à disparaître, les Adjumba. Nous nous comprenons tous. Les lexiques sont les mêmes, les compréhensions, les vocales et les verbes sont les mêmes. Ce que je voulais dire, quand on prend la combinaison d'abord de la première langue ici, Gisir, Rawambel Gidong, Gilongri, Himos, Rawambel Gisir, Boulongru Nyambi. Gisir, c'est la langue de Dieu. J'ai dit Ngomiene, Ngomiene, Inongo Nyambi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand je parle du retour de nos traditions, le retour, le début du retour à nos traditions africaines, ça veut dire tout simplement que le frère blanc, quand il est arrivé, il nous a imposé et nous forcé sa religion. Il nous a forcé sa langue. Mais quand il nous force sa langue, on coupe le lien avec notre langue. On coupe le lien avec la racine philosophale et philosophique et idéologique et psychologique de notre langue. Donc nous sommes coupés du coup, du fil d'Ariane. Ce fil d'Ariane que j'appelle le cordon ombilical ancestral, il se coupe. Il se coupe parce que nous avons était obligé par une coupure culturelle. La coupure culturelle veut dire qu'on nous a coupé de notre culture originale. ma cobefa, ma soeur, ma langue, ma hege. Alors on est coupé de cette origine pour pouvoir rentrer dans une nouvelle langue. C'est la langue de la religion des autres. Et de cette décision qui a été prise par le frère blanc, lorsqu'il arrive, il impose cette langue non seulement pour nous acculturer, pour nous coloniser, et ensuite pour nous dépersonnaliser, pour nous désindividualiser, et on rentre dans une phase, finalement, de colonisation absolue en 4 degrés. Colonisation politique, colonisation économique, colonisation religieuse et spirituelle, colonisation même dans nos mœurs, où on a perdu le sens des standards même, les standards de fonctionnalité de la société. Voilà pourquoi, au début donc de cet enseignement, j'ai voulu mettre l'accent sur ces 2 ethnies seulement, parmi près de 45 que nous avons dans notre pays, le Gabon. C'est le début. C'est le début du retour à notre tradition africaine. Pourquoi je le dis? Il n'y a qu'à voir sur la toile. Beaucoup des jeunes aujourd'hui, du sud jusqu'au nord, le peuple kémite, c'est le mot, c'est le nom, le slogan qui est lancé. Vous allez dans les pages Facebook, vous allez sur YouTube, vous allez sur TikTok, vous allez partout. La jeunesse a compris le message. Il y a un réveil. Mais ce réveil, pourquoi? Mais parce que ces jeunes ont compris, comme au début de mes propos, je venais de parler en langue. Je vous ai dit en langue quoi? Que je conjuguais le verbe être. J'ai conjugué le verbe être dans mes 2 langues. D'accord? Mais le verbe être, c'est quoi? C'est exprimer votre être-té avec votre essence divine. Mais cette essence divine passe par un filigrane invisible qui n'est autre que le cordon ombilical qui vous lie directement à votre nom. Ce nom, ce n'est pas Napoléon. Ce nom, ce n'est pas Mitterrand. Ce nom, ce n'est pas Abraham. Ce n'est pas Siméon. Ce n'est pas Pierre. Ce nom, ce n'est pas Jésus. Ce nom, ce n'est pas Marie. Ce nom, c'est Mbumba. Ce nom, c'est Okodou. Ce nom, c'est Osaru. Ce nom, c'est Onubie. Ce nom, c'est Rerambia. Ce nom, c'est Mende. Bambi Mao. Ce nom, c'est Tatmoussa. Ce nom, c'est Gibink. Ce nom, c'est Dimbu, quoi. Ce nom, c'est Kombakoba. Ce nom, c'est Maïsa. Ce nom, c'est Nzibo. Ce nom, c'est Ibadiaoya. Voilà les noms qui nous rient, qui nous lient totalement avec notre cordon ombilical. Où on ne trouve pas un Jésus là-dessus. On ne trouve pas un Joseph. On ne trouve pas un Marie. On ne trouve pas un Antoine de Padoue. On ne trouve pas un Saint-Christophe. On ne trouve pas je ne sais trop qui. Et en plus, dans la logique, le premier homme fut créé où? Les Américains diront, Africa is the motherland. What the meanings? I try to ask some American doctors of history and all that, I asked them, what the meaning of the motherland, man, when you talk about Africa? And this is what they said. Africa is the motherland because that's where life started. The life started in Africa, and that's why we call it the motherland. So, therefore, the first human being was created in Africa. If the first human being was created in Africa, that's me asking the question, does that mean that he was black? Yes, of course. And I'm asking this question to a professor of University of Harvard, a professor of Washington University, is white guy. And then also I asked the same question to Dr. Kanye, who's well known among the community, the black community leaders. He's a professor as well. I asked the same questions online, the same question we asked. Why we keep saying Africa is the motherland? The same answers were given by thousands of people, millions of people. And everybody knows the history has hidden that truth. And the truth about the first man on earth was created was black. Now, if the first man was created was black, so what was the first language then? And that's the question which arose in the people, in a lot of people's mind. And we found out that first language was what? Whatever and wherever the first man was created, and according to the science sources, according to what science group called De Poitiers is a very well-known and worldwide known scientist group, which actually originally were created in France, and they have some folks from Canada, from folks from America. So that group went and do some research around the planet. They started first in Mali in 1985, and they found the first skeleton. That first skeleton was revealing that the first man was found in Africa, and the skeleton was about 3 million years old. Now, can you imagine from 1985, take your calculator and find the numbers of years, boom, in 2012, we finally found that the first sign of life, the first cells were found in Gabon, in a small city, which a mineral city called Munana. And that's why we find it. It was 4 billion years and 200 million years. And that's we found the first sign of life. So therefore, we can say in conclusion that we think the first man was probably created in that area of the Nile, the end of the Nile, but the Nile of the south of Egypt and the beginning of Sudan, the north side. I'm talking about the time we call the Kingdom of Congo. YouTube, please. I say it might. I didn't say 100% is true, but the researchers are trying to find and to confirm the say. You know what I'm saying? So the first man was created in that area. Now, let's get back to the topic. Why? It's the beginning of the return to the African traditions. At the same time, we've seen the religious leaders, the churches are closing down. Some churches, 50% of church members are running away from mosques and all that and returning to. We talk about the Kemet people. Who are they, Kemets? Aujourd'hui donc, les évidences scientifiques et historiques, quand je pose la même question, mais en réalité, pourquoi vous dites l'Afrique est le berceau de l'humanité? Parce que motherland en anglais veut dire berceau de l'humanité. Pourquoi? Mais parce que des faits scientifiques ont prouvé. Lesquels faits scientifiques au début? Les gens le savaient avant que M. Cheikh Anta Diop vienne révolutionner la science. Révolutionner l'origine du premier homme, les Blancs nous ont menti et ils nous ont trompés. Ils nous ont dit que le premier homme était blanc et que l'homme noir était noir et noir, c'est lui le diable. Et on représentait le diable dans les années 70 jusqu'en 73. Ceux qui s'en souviennent et qui sont de ma génération, qui sont nés dans les années 60 jusqu'en 70, s'en souviendront. On dessinait et on représentait le diable avec des cornes et le diable était noir. Mais on représentait Jésus blanc. Voilà autant de vérités qu'on nous a cachées. Mais vous savez, à force de tromper le peuple, à force de tromper l'homme, près de 2000 ans dans l'histoire, laquelle histoire a été fondée, inventée par l'église d'État, l'église romaine. Cette église romaine qui a été fabriquée par des grands scientifiques, par des prêtres, des empereurs. Et c'est l'Empire romain qui, en 325, décide de créer une église d'État qu'on appelait l'église catholique, apostolique et romaine. Donc, c'est cette église-là qui est à l'origine de toutes les autres religions que nous connaissons. Et c'est pour cette raison que le mensonge a été glissé. Mais le mensonge a commencé par l'église catholique, apostolique et romaine. Je ne peux pas blâmer les églises éveillées. Je ne peux pas blâmer les témoins de Jéhovah. Je ne peux pas blâmer les églises protestantes. Car toutes ces églises, ce ne sont que des églises dites rebelles. Parce que la première église qui s'est réellement révélée, qui a fini par, n'est-ce pas, veuillez me pardonner, accordez-moi une pause s'il vous plaît, je vous reviens dans une minute. Donc, comme je disais, que à la fin, l'explosion de toutes ces religions, c'est la rébellion. La première église, donc, c'est l'église protestante qui se rébelle. Protestant, protestant veut dire, ils ont protesté contre la conduite de l'église. Pardonnez-moi de faire un peu cette historicité, c'est très important, car pourquoi aujourd'hui il y a cette prise de conscience d'abord individuelle et collective de la plupart d'Africains pour pouvoir vivre ce phénomène que j'ai intitulé ici ce soir, nous vivons le début du retour à nos traditions africaines, le début du retour à nos religions ou à notre religion originale. Parce que s'il faut utiliser tradition africaine et remplacé par le mot religion. Mais religion a été mal définie parce que, en réalité, quand vous voyez religion du côté de blanc, ça a une autre définition. Mais quand nous rentrons dans le lexique grec, religion vient du mot religare. Donc, religare veut dire moyen par lequel l'homme veut se relier à Dieu. Religare veut dire relier, se connecter. Donc, nous pouvons dire que nos rites traditionnels africains étaient des vieilles religions. Donc, la première vieille religion qui consistait à l'homme de s'adresser à Dieu à travers la nature, à travers le cordon ombilical original qui le lie de par son historicité et de par l'expression de son être-té. Mais l'expression de son être-té, ça veut dire quoi? Mais vous exprimez votre être-té à partir de votre existentialité. Mais cette existentialité est en réalité de mise lorsque vous vous identifiez à votre nom. Voyez-vous? Mais muere yonoubie omwana wa pututu a pututu omwana wa dumara a dumara omwana onoubie onoubie onoubie onoubie ya imburu imburu ya igongo igongo ya ngibambenda ngibambenda ya men. Donc vous êtes en train d'exprimer votre été. Votre être-té s'exprime justement par le lien ancestral. C'est ça. Quand monsieur, comment il s'appelle, celui qui a créé la langue anglaise, il a dit quoi? To be or not to be. To express your existence, to express your being. To express your being, you have to say to be or not to be. Shakespeare. C'est Shakespeare qui l'avait dit, n'est-ce pas? To be or not to be. Mais quand on dit to be ou not to be, mystiquement et spirituellement, veut dire exprimer votre être-té. Or, exprimer son être-té, c'est permettre l'Esprit de Dieu de s'exprimer par vous. Mais l'Esprit de Dieu qui s'exprime par vous, mais c'est sous couvert de votre lien ancestral. Je ne me fatiguerai point de vous donner la référence de Matthieu chapitre 1 pour ceux qui sont chrétiens. Oui, quand je cite le livre de Matthieu, je ne veux pas dire par là que je suis chrétien, moi. Je ne le suis plus, je le fus. Mais Matthieu chapitre 1, du fait d'avoir étudié la Bible, nous dit quoi? La Bible est claire. Permettez-moi. Matthieu chapitre 1, il nous donne une bonne information par rapport à la lignée ancestrale. Voilà l'importance pour moi où je vais vous faire lire ce passage de la Bible. Je cherchais mes lunettes, mais ce n'est pas grave. Voilà ce qu'on nous dit. Généalogie ou bien arbre généalogique de Jésus-Christ, qui était fils de David, fils d'Abraham, Abraham fils de, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, au verset 17, on nous dit, il y eut au total 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations, donc 14, 14, 14, trois fois, pour pouvoir expliquer l'être-té de ce Jésus que les chrétiens utilisent, mais dont je vous ai déjà expliqué qu'il ne s'agit pas de lui, car c'est un nom qui a été rattrapé. Son histoire, vous allez la découvrir dans les archives secrètes de l'égyptologie, dans les archives secrètes de l'Église antique ancienne, de l'Égypte antique même. Il existait déjà la religion chrétienne antique et celle qui a été paganisée. Et les gens utilisent le mot le paganisme. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et je vois des gens qui viennent me faire des remarques de l'idiotie sur mes vidéos en disant le paganisme. Mais est-ce que vous savez ce que c'est le paganisme? Est-ce que vous savez où est le mot païen est venu? Voyez-vous? Donc les Romains, quand ils arrivent, ils considèrent que nos religions à nous, c'était du paganisme. C'était des pratiques païennes. Mais le mot païen est rentré quand? Dans le lexique de l'Église. Mais c'était seulement à partir du 5e siècle. Alors qu'eux-mêmes, mais ils pratiquaient du paganisme. Lorsqu'ils ont inventé pas mal, bref, des choses qui ne nous intéressent plus. Mais juste pour vous dire, aujourd'hui, quand je parle du retour, ou du début du retour à nos traditions, mais cela a une raison. La raison, c'est quoi? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous observez autour de vous? Les églises se vident. Les religions s'écroulent. Et Il y a certains écrits qui nous disent « Babylone la grande est en train de tomber ». Et mais dans le livre écrit par eux-mêmes, ce n'est même pas un chrétien qui a écrit le livre de l'Apocalypse pour votre information. Le livre de la Révélation. Mais le problème, c'est l'entêtement. Le problème, c'est le refus d'admettre et d'accepter la vérité parce que pendant presque 2000 ans, on a été trompé. Précisément, il y a de cela 1687 ans. Parce que c'est en 325 que tout a été fabriqué pour nous imposer une religion qu'on appelait église ou religion d'État. Mais prenez d'abord l'expression, qu'est-ce que ça veut dire religion d'État? Mais c'était pour mieux contrôler les consciences. C'était pour mieux contrôler les populations qu'ils appelaient les populations indigènes. L'empereur qui s'appelait Africanus, celui duquel le nom Afrique, Africa, a été emprunté. Mais c'est comme ça qu'il traitait les Africains qu'il allait rencontrer en Afrique lorsqu'il avait fait un tour dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest. Et du retour de là, il dit quoi? Ce pays, continent qu'on ne connaît pas le nom, regorge de toutes les richesses du monde. Alors les réunions commencèrent à se multiplier. Oui, oui, oui. À partir de là, 310, 325. Et en 385, ils vont prendre, d'ailleurs, avant cela, revenons en l'an 69. Vous savez ce qui s'est passé en l'an 69 dans la zone de Jérusalem et la zone de la Mésopotamie? C'est l'Empire romain par le général Titus, j'en parle toujours. Et les documents sont là. Allez-y lire les encyclopédies de l'histoire. Ils vont vous en parler de ce que je vous dis. Cherchez le nom général Titus. Qu'est-ce qu'il a fait en 69? Et c'est de là où il y a eu un vrai désordre. Mais ce désordre fut bel et bien préparé parce que deux siècles plus tard, cela va se concrétiser, notamment en l'an 325 de notre ère. Bref, à partir du 16e siècle, le protestantisme voit le jour. Mais à partir du 18e siècle, les églises presbytériennes, les méthodistes voient le jour. Mais tous ceux-ci qui voient le jour, ce sont des rebelles qui sortent de la première église, de la première religion, parce qu'il y a trop de mensonges. Mais le problème, c'est parce que la conscience collective a accepté cet empoisonnement égrégorique. Les humains ont été empoisonnés par une force ou bien par des forces égrégoriques. Les égrégores, ce sont les énergies que dégagent toutes les affiliations et associations politiques, religieuses, sectaires que l'homme invente. Dès lors que vous rivez vos croyances et vos philosophies sur quelqu'un. Donc, ce n'était pas facile. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous tous nous sommes embrigadés. Excepté votre humble serviteur. Excepté justement ceux qui sont en train de suivre le mouvement du réveil. Le réveil. Le réveil vers nos traditions. Le réveil vers la connaissance kémite. Le réveil vers la véritable connaissance connaissante qui nous lie directement à notre cordon ombilical ancestral. Ce réveil est en train de se faire à une vitesse vertigineuse, vous ne vous imaginez pas. Car, oui, il était dit quelque part qu'à l'ère du Verseau, il y aura un bouleversement. Et l'ère du Verseau sera l'ère du retour à la source. L'ère du Verseau est le phénomène du retour à la source. Que se passe-t-il au sein des religions? Eh bien, voilà ce que j'ai pu mener comme enquête. Ici, aux États-Unis, comme vous le savez, c'est d'ici que viennent, que sont créées et fondées toutes les religions du monde. Je parle des religions chrétiennes. Ah oui, oui, tout a commencé ici. Et d'ailleurs, pour votre petite information, ce qu'on appelait les pilgrims en anglais, les premiers Européens qui sont venus ici, après les guerres qui ont duré, les guerres de sécession, les guerres qui ont duré près de 30-40 ans, en Irlande du Nord et l'Angleterre, entre les protestants et les catholiques. Vous avez oublié cela? Eh bien, cela a entraîné une diaspora importante. Et c'est ce qui explique le déplacement de certains en venant vers les Amériques. Ils ont dit, mais tiens, il y aurait un certain Christophe Colomb qui aurait découvert l'Amérique le premier. Faux! Les premiers habitants de l'Amérique où je suis, c'était des Noirs. Les premiers à les avoir découverts, c'était des Noirs. Nous avons des documents authentiques qui le prouvent. Vérifiez cela dans les documents Botanica. Je répète, vérifiez dans les documents Botanica, histoire de l'homme noir. Et vérifiez également dans les encyclopédies, en dehors de Botanica. Rentrez dans les encyclopédies. Pour votre information, les encyclopédies, ce sont les seuls livres au monde qui ont 99,7% de connaissances testées, vérifiées et fiables et acceptables, car c'est des informations qui n'ont jamais été modifiées. La preuve en est que 100% des enseignements qu'on donne dans les universités, dans le monde entier, sont puisés des encyclopédies. C'est aussi bêtement simple que ça. Je vous dis la vérité, c'est puisé des encyclopédies. Toutes les connaissances. Moi, j'ai vu les maths avancées dans les encyclopédies de monsieur, éditées par monsieur Philippe Ozou. Vous connaissez Philippe Ozou, non? Il a des encyclopédies qui sont disponibles. Hein? Chez moi au Gabon, j'en ai commandé. J'ai dépensé des millions pour avoir ça. J'ai payé un peu pendant près de 5 ans. Aujourd'hui, donc, les encyclopédies sont les seuls grands livres de savoir et de connaissances véritables qui peuvent vous donner des vérités et vous confirmer tout ce que je viens vous dire. Arrêtez de me regarder ébahi, étonné, et de penser que je raconte n'importe quoi ou que je mente. J'ai étudié cela, et je continue à étudier. Parce que l'homme est un éternel étudiant. Et l'homme sera un éternel ignorant lorsqu'il tourne le dos à la vérité, lorsqu'il tourne le dos aux révélations, lorsqu'il tourne le dos aux alerteurs. Or, les alerteurs, je vous ai dit, du 1er siècle avant Jésus-Christ, voire même 12e siècle avant Jésus, jusqu'à notre époque, jusqu'au 16e siècle, il y avait toujours des alerteurs. Les alerteurs, c'est ce que vous appelez, dans votre langage religieux, des prophètes. Les prophètes, quand ils parlaient, quelles universités ils ont faites? Mais parce qu'ils avaient des connaissances. Soit les connaissances leur étaient diffusées par des entités invisibles que les religieux appellent les anges, soit c'était par des fouilles archéologiques. Vous voulez que je vous donne l'exemple de qui? Celui que vous appelez Habakkuk, par exemple. Habakkuk était noir, je ne sais pas si vous le saviez. Hein? Il était de la Mésopotamie. C'était un frère noir, noir, noir, plus noir que moi. Et quand vous allez lire Habakkuk du chapitre 2 jusqu'au chapitre 4, vous viendrez me donner raison de tout ce qu'il dit là-dedans. Ce n'était pas l'université qui l'a appris les connaissances. Mais les esprits qui lui parlent, on nous dit l'esprit de l'éternel. Mais vous savez que Dieu ne peut pas parler à quelqu'un individuellement, vous le savez très bien. Même la Bible le reconnaît. Et même le Jésus des chrétiens l'a dit, non? Que nul ne peut aller au Père n'importe comment. Mais moi-même, je ne connais pas, il n'y a que le Papa lui-même qui connaît. Donc, c'est pour vous dire que Dieu agit toujours par pouvoir délégatoire. Peut-être c'est à cause de cela que nos frères chrétiens en 325 ont inventé le dogme selon lequel vous ne pouvez pas aller à Dieu si ce n'est que sous couvert de Jésus, c'est-à-dire un intermédiaire. Mais nous, nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Nous savons tout simplement que ceux qui nous servent d'intermédiaire, pas vraiment intermédiaire au sens que pour m'adresser à Dieu, je dois d'abord demander à lui. Non. Les écrits nous disent dans le livre de Lévitique, dans le livre d'Exode, même dans la tradition shintoïste et même chez les Japonais, ils nous disent quoi? Adresse-toi à tes ancêtres. Vous, simplement, un acte de reconnaissance qu'on appelle d'honorer. Vous honorez. Et cela est conforme à tous les écrits. Bref. Les religions du monde entier aujourd'hui connaissent une crise. Pourquoi? Ils sont en train de maudire Internet. Ils sont en train de maudire les réseaux sociaux. Ils sont en train de maudire le petit là qui a inventé Facebook. Ils sont en train de maudire ceux qui ont inventé YouTube, comme je suis en train de vous parler, parce que c'est ce que les gens viennent dire là. Mais ils font des recherches. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la connaissance. Les jeunes qui sont là-bas en Italie, mais est-ce que vous savez que l'Italie a 7 étages sous le sous-sol où se trouve le Saint-Siège, où le pape habite et s'assoit? Le saviez-vous? Sous le banc là, où le pape est assis, où c'est écrit fils du diable, le 666. Sous ce 666, savez-vous qu'il y a 7 étages? Mais c'est sous ces 7 étages qu'existent des documents qu'on appelle des fonds latins. Pourquoi on dit fonds latins? Mais parce que c'est des documents qui sont au fond, que personne d'autre n'a le droit d'avoir accès. Mais que c'était gardé secret par le clergé. On vous tranchait la tête, on vous tuait si vous osez sortir ce secret. Et la plupart de ces documents commencent par le nombre 640. 645, c'est classifié, c'est des codes. Par exemple, celui que je connais, le 645-150. 645-158. C'est des documents qui vous révèlent des vérités. Ça se trouve au 7e. Vous me posez la question, comment j'ai eu accès? Mais j'ai eu l'accès à cela à travers mes amis témoins de Jéhovah. Voilà pourquoi les gens en veulent, les témoins de Jéhovah. C'est l'organisation la plus sophistiquée, la plus dangereuse. Les témoins de Jéhovah vous détiennent beaucoup de secrets. En fait, là, je leur donne crédit. J'ai pris ces informations auprès d'eux. Parce que Ils ont accès à tout. Ce qui leur a mérité d'ailleurs de couper les... On les a tranché les têtes n'importe comment. On ne voulait même pas entendre parler de même au Gabon, un peu partout dans les pays d'Afrique. Bon, bien sûr que la raison véritable, c'est parce qu'ils avaient dit qu'en 1975, il y aura la fin du monde. Ils ont mal interprété qu'en 1975, c'était le début de 7000 ans de l'histoire de l'homme sur Terre. En fait, la science le confirme. Mais eux, ils ont mal interprété. Ils ont reconnu leur erreur 6 mois plus tard dans leur éditorial qu'on appelle le Réveillez-vous. Ils ont expliqué ça. J'oublie le numéro du Réveillez-vous, mais c'était sorti au mois de février 1976, où ils ont expliqué finalement qu'ils s'excusaient, mais qu'en fait, eux, ils voulaient plutôt parler que l'homme, après 1975, selon les calculs qu'ils ont faits, est rentré au septième millénaire. Donc, nous sommes maintenant à 7000 ans de l'histoire de l'homme sur Terre. Et qu'à partir de là, il doit avoir des mutations. Et ils ont prévu l'année 1914 étant le début de la fin du règne de l'homme, et ainsi de suite. Dans leurs calculs à eux, hein, que je ne partage pas forcément. Bref, donc ceci étant, toutes ces mutations et toutes ces révélations, mais parce que les gens fouillent, il y a des documents. Vous avez entendu parler des documents de la mer morte? Moi, j'en ai plein, là, les documents de la mer morte. Les fameux évangiles de saint Thomas. Les fameux évangiles de Jude, le demi-frère de Jésus qui aurait existé, ou que je ne sais pas trop. Les fameux documents sur Marie, qui en réalité n'était pas une Vierge blanche, mais c'était la Madonna, la Vierge noire. Osis, Osiris, Horus, toute cette plagiat et toute cette fabrication des rattrapages à gauche, à droite. Savez-vous que nous avons des documents disponibles? Donc, aujourd'hui, ne soyez pas étonnés quand un membre, un frère qui croit à la tradition vient vous parler. Nous ne sommes pas seulement pour vous dire qu'il faut prendre l'Ibora, il faut mélanger l'Ibora avec ceci, ou bien on va danser le Bouti pour parler des choses comme ça. Non, on fait des recherches. Nous sommes des érudits, nous aussi. Nous faisons de l'érudiction. Nous avons accès à des connaissances. Je vous l'ai toujours dit depuis le début que moi, je lis 1001 documents. Je suis dans la plupart des journaux scientifiques. Je suis au niveau des journaux scientifiques français, abonné en ligne. Je suis abonné aux journaux scientifiques canadiens. Je suis abonné aux journaux scientifiques américains. Et pas les moindres. Un, celui de New York, du musée des connaissances de New York. Le grand musée de connaissances de D.C., Washington D.C., la capitale politique des États-Unis. Le grand musée des connaissances du Texas. Savez-vous que le Texas est une république indépendante qui d'ailleurs continue à revendiquer son indépendance. Et là-bas, il y a des énormes dépôts de connaissances qu'ils ont retirés d'ailleurs des Mexicains. Parce que le peuple aztèque, savez-vous qu'eux aussi, ils ont influencé l'histoire de l'homme sur Terre? Les aztèques, c'était des gens qui étaient à peu près noirs. C'était les pygmées, les ancêtres des Mexicains et autres, là, qui ont lutté. Hein, et quelques réfugiés ont dû se réfugier à gauche, à droite. Voilà pourquoi vous voyez les pays comme le Pérou et tout ça là. Et les gars, ils se sont dispersés. Voyez-vous? Tout ça, c'était les aztèques. Et là-bas encore, nous avons une autre histoire, je ne vais pas vous amener, que j'ai bien étudiée et que je connais. Donc, simplement pour vous dire, les religions sont en train de connaître un déclin et j'ai noté quelques informations. Tatignan, où sont mes lunettes? Nous ne sommes pas là où c'est parti. Bon, c'est pas grave. Je vais ouvrir les yeux du vampire. Oh, mais je peux toujours voir. Hein. Voilà, les églises. Les églises où, quand on parle des églises, l'ensemble de toutes les religions chrétiennes sont en train de vaciller à 40%. Il y a une chute de 40% au niveau des églises. Bon, vous allez me dire, oui, c'est des histoires, mais parce que vous vous comparez à l'Afrique. C'est en Afrique qu'on rencontre le bordel où les églises augmentent. Mais la majorité des églises, je vous ai dit, ça vient d'ici, des États-Unis. C'est ici où la plupart des religions ont été inventées. Tout a été inventé ici. Ils ont donc pris tout ce qui est au Vatican, au 7e sous-sol, et dont nous avons accès. Quand vous faites théologie, on vous montrera tout cela, et ça peut même vous rébeller après. Ils ont pris tout pour les transformer ici. Et puis, voilà comment, aujourd'hui, ils ont créé les meilleures écoles de théologie. Les meilleures grandes écoles de théologie se trouvent nulle part ailleurs, si ce n'est qu'ici, au niveau des États-Unis. Et vous le savez très bien. Et l'une des grandes universités s'appelle Liberty, Liberty University. C'est la plus grande université de théologie sur la planète, actuellement. On forme des docteurs, on forme des ceci et des diplomates, et tout et tout. J'ai fait des cours de diplomatie là-bas pendant 4 ans, pour votre information. Ça s'appelle Liberty University, une université d'utilité publique reconnue et éligible sur tout le territoire américain et beaucoup de gens, des hommes d'affaires et même des diplomates suivent des cours là-bas. Donc, les églises connaissent une chute et ce rapport, je le reçois donc de Liberty University. Imaginez-vous, ça c'est l'université qui forme les pasteurs, qui forme les théologues du monde entier, mais eux-mêmes ils reconnaissent qu'il y a une chute de 40% sur toute la planète Terre. Et le grand pourcentage vient des États-Unis. Aux États-Unis seulement, le nombre d'athées dans les années 70 était seulement à 5%. Les États-Unis d'Amérique, jusqu'aux années 70, étaient un pays, en tant que pays constitué de 50 États. L'Église prédominait les États-Unis d'Amérique à 90%. Tous les États-Unis d'Amérique, 90% ils étaient chrétiens. Il n'y avait pas des histoires de athées ou ceci, cela. Mais dès 1985, et je peux vous dire pourquoi, parce que dans les années 80, les drogues ont introduit les réseaux. D'abord, ça commençait par les hippies dans les années 60, le mouvement hippie, où les gens devaient fumer le chanvre librement. Les hommes et les femmes tout nus comme des fous, exprimaient leur liberté. À partir de là, l'Église commençait à connaître un déclin. Mais le déclin n'était pas aussi important. Maintenant, dans les années 80, la cocaïne s'introduit dans la société américaine. Et on trouve que la race qu'il faut vraiment cibler, c'est la race noire. Donc nos frères noirs américains sont les victimes, malheureusement. On les utilise jusqu'aux années 90. C'est ainsi qu'on arrive au grand cocktail. Le cocktail qui sont organisés par les Mexicains qui infiltrent les territoires américains. Et c'est ainsi, jusqu'en l'an 2005, le taux de criminalité, le taux de drogue augmente à une vitesse vertigineuse. Et puis finalement, on trouve des responsables d'église, responsables des religions, c'est-à-dire des pasteurs, des diacres, des évêques impliqués dans le trafic de drogue. Et alors, la réputation de ces gens-là a affecté les ouailles. Ce que j'appelle les ouailles, c'est-à-dire les membres des églises, ont constaté que leurs leaders n'étaient pas vraiment des bons exemples. C'est ainsi, il y aura donc une chute à partir de ce moment-là, vers les années 2005. L'église commence à connaître une chute. Nous avons donc, dans ces années, des hommes fulgurants, puissants. T.D. Jake, que vous connaissez. T.D. Jake, qui est l'un des grands prédicateurs, va connaître un succès. Eddie Long, que vous connaissez, qui est mort de la sale maladie, lui aussi connaîtra un succès. Et nous aurons près de 7 grands pasteurs américains noirs qui vont prendre le relais pour pouvoir se venger du fait que les populations noires vont se retrouver impliquées dans des drogues, vont se retrouver dans le trafic des drogues. Ce n'est pas normal. Donc, une pilule, une forme, un nombre d'églises pullule à gauche et à droite dans tous les États-Unis d'Amérique et les populations noires vont s'y retrouver. Mais attention, un monsieur appelé Farrakhan, Farrakhan, qui était l'un des disciples de Malcolm, dans la réalité, bien qu'il y ait eu des petits conflits, je ne vais pas en parler au public, lui, il crée sa grande mosquée, il crée un mouvement islamiste. Et M. Farrakhan, que vous connaissez, va donc connaître un succès à partir des années 2000, 2005, jusqu'à l'heure où je vous parle, la plupart des Noirs, quand ils sont incarcérés, lorsqu'ils sortent des prisons, ils abandonnent les églises et rentrent directement à l'islam. Pourquoi? Parce que le message de M. Farrakhan essaye de raisonner avec leur être-té. Parce que Farrakhan, lui, dans sa prêche, non seulement il maîtrise très bien la Bible, mais il maîtrise également le Coran, mais il a formé son style de l'islam. Parce que l'islam des Américains, c'est différent de l'islam des autres là-bas. Bien que le fond reste le même, mais les formes changent. Eux, ils ne croient pas à la polygamie, ils ne croient pas à d'autres choses, mais ils vont au Hajj, ils font le Hajj, ils font autre chose. Mais c'est influencé par leur charisme, c'est-à-dire la revendication de la libération de l'homme noir sous toutes ses formes. Voyez-vous, tout ceci pour vous dire que les religions chrétiennes vont connaître une chute de près de 40%, dernière statistique, jusqu'en l'an 2019. Ça, c'est le rapport que Liberty University me donne. Maintenant, au niveau de l'islam, par contre, à l'islam, il y a une montée. Mais la montée de l'islam connaît la raison fondamentale pourquoi l'islam monte, mais parce que tous ceux qui quittent ces églises qui chutent de 40%, le refuge c'est quoi? C'est l'islam. Mais ce refuge qui va du côté de l'islam, c'est seulement 15%. Donc, l'islam connaît une chute seulement de 15%, mais sur les 40% qui quittent, ça veut dire vont vers où? On trouve dans ce total-là de 15% d'augmentation, on trouve 35% qui quittent de 40% pour se retrouver du côté de l'islam. Donc, les autres 5% vont où? Mais ces 5% vont dans le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est tout simplement, je vais vous donner le nombre de membres qui sont maintenant syncrétistes. Ça va vous effarer. Au niveau des églises, donc, de toutes les religions dites chrétiennes, éveillées et non denomination et autres, 40% de chute. Dans les mosquées, c'est 15% seulement de chute. Mais l'islam connaît un succès malgré cela. Maintenant, le syncrétisme devient très important. Pourquoi? Parce qu'on trouve que, quand vous comptez bien, 40% des chutes au niveau des églises, 15% de l'islam, ça fait combien? 65%. Maintenant, les 35% qui restent là, ce sont ceux qui font le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est qui? Mais c'est le mec qui, finalement, quand il écoute M. Moreau nous vient parler, il dit, mais c'est pas possible, t'as rien. Moi, j'ai des problèmes avec mon affaire. Alhamdulillah, bismillah, mais attends, bismillah, Allah. Ah, Allah est vrai, mais moi, je crois que c'est que le type l'a dit là. Mais donc, le premier homme là, il est né en Afrique, et puis en plus. Mais quand même, dans le Coran, c'est sur la sourate de Al-Baqara, la sourate de la vache, nous dit, il faut respecter papa et maman, il faut les honorer. Mais donc, cette affaire-là, mais comment on peut les honorer? Mais attends, mais nous avons les frères qui ont le soufisme. Le soufisme, c'est quoi? Mais c'est la voie mystique de l'islam. Moi, je crois que, bon, maintenant, moi, je vais me concentrer aussi aux ancêtres. Donc, celui qui pratique le syncrétisme, c'est le frère musulman qui fait ses rakas. Il fait ses 5 rakas journalièrement, c'est-à-dire 5h30, 13h30, 15h30, 18h30, 19h30. Il le fait, mais en dehors de ça, eh bien, il pratique également le rite des ancêtres. Ah oui, il ne néglige pas. Il sait que non, tu peux former un parfum et ce parfum-là va te permettre d'attirer le bien et d'aller charmer le patron quand tu vas lui demander le travail. Il n'y a aucun mal à cela, puisqu'il est écrit dans le Coran que toutes les plantes de la planète, toutes les racines, Allah Akbar, Allah a créé cela pour la guérison des nations. Mais également dans les mêmes écrits sacrés, chez les chrétiens, dans le livre de l'Apocalypse, je crois le chapitre 15, il dit la même chose. Le chapitre 21 aussi, dans la conclusion, dit la même chose que Tetamwanga. Donc Dieu a créé tous les arbres et toutes les plantes pour la guérison des nations. Donc, conséquence, voilà comment vous trouvez des musulmans qui sont des syncrétistes. La même chose chez les chrétiens. Je vous ai dit qu'il n'y a même pas 2 jours, je rencontre des frères qui sont des musulmans. Oui, des frères africains, mais qui sont devenus pasteurs. Mais de cette transition de musulman à pasteur, ils sont en train de me suivre comme vous me suivez. Ils disent, mais c'est pas possible, monsieur, nous parle des choses là, sorcellerie. Mais ils m'ont avoué honnêtement que nous, on a seulement choisi ce qui nous intéresse. Parce que toi, tu parles de beaucoup de choses là. Tu parles des choses des musulmans, tu parles des choses des chrétiens. Bon, nous, on va s'intéresser aux choses des chrétiens, c'est-à-dire la mystique chrétienne. Bon, maintenant, la mystique chrétienne, c'est quoi? Donc, en dehors de vous ici, je me charge donc de leur donner des enseignements. Et voilà comment ceux-ci donc s'intéressent. Ils disent, mais en fait, il n'y a aucun mal. Donc, je peux quand même faire le rite de Kimbangu. Comme c'est un ancien homme dédié là, il était pasteur quand même, non? Il était grand homme dédié, hein? Il nous demande même de respecter Jésus. Donc, voilà le frère mais qui est pasteur, mais qui pratique le rite de Kimbangu. Que fait-il? Mais il fait du syncrétisme. C'est-à-dire qu'il est chrétien, mais il mélange sa pratique chrétienne avec la pratique ancestrale. Et voilà, il y a des gens comme ça. Et ce sont ceux-là qui, en ce moment, le nombre augmente. Nous avons 45% et 35% en temps pour moi. C'est vrai que les gens de l'église sont un peu plus élevés, mais pour vous dire que ceux qui font le syncrétisme sont maintenant plus nombreux. Aux États-Unis, je vais vous avouer, la plupart des pasteurs, je peux dire sans pourtant exagérer, même les pasteurs gabonais, africains, qui ont été formés ici pour soi-disant être des grands pasteurs en Afrique et au Gabon, sont des francs-maçons. Et je pèse mes mots. Oui, ils sont dans les loges. Parce qu'aux États-Unis, pour être membre des loges maçonniques, il faut être chrétien. Et puis, il y a 2 voies au sein de certaines loges. La plupart des loges, la loge qu'on appelle Prince Hall. Vous avez entendu parler de ça? Prince Hall. Prince Hall, en fait, c'était un noir. Oui. C'est le noir qui avait inventé son rite. Mais son rite-là est beaucoup plus influencé par les affaires des dieux et des bibles. Voilà pourquoi la plupart des pasteurs aux États-Unis sont des membres de Prince Hall. I don't know if you know that, guys. I mean, all of you, I work here, you're from the US. I can see that. Did you all know that most of the pastors of all these churches in America, they're all members, I would say over 90%, they're all members of a Freemasonic society. Did you know that? I know what I'm talking about because my former pastor, he was a Freemason. One of the guy who was actually responsible, the leader of the gospel on the missionary department where I was going. I can't tell you the name of the church anyway, but I remember him too. He was a Freemason. And you can check that out in all the United States. Ils ont des grosses bagues, des grosses alliances. Et au Gabon, la plupart des gars que vous voyez qui sont pasteurs, qui font le bruit là, ils ont double identité. C'est des frères maçons. Et je sais de quoi je parle. Je suis un ancien maçon et j'ai leur nom. Je les connais bien. Mais par pudeur et de respect, je ne veux pas en parler. Voilà, ça, c'est des gens qu'on appelle des, qui pratiquent le syncrétisme. Mais ils sont les premiers, sous couvert de leur première dame là, leur femme qui vient insulter les gens. Oh non, la magie, c'est pas bon, c'est diabolique. Oh non, la sorcellerie, c'est diabolique. Les traditions, c'est pas bon. Mais entre-temps, leurs maris sont dans les loges. Attention, chef le guichiron dit, dis souba là, bah là, moi on les voit à l'œil clair. Mais vous êtes là-bas en Afrique, vous ne savez pas. C'est des maçons, ouvrez bien vos oreilles. Donc, sur les églises américaines ici, la plupart des pasteurs, et je pèse mes mots, ils sont membres des loges maçonniques. Mais comme les loges maçonniques ont plusieurs courants, allez-y vérifier. J'ai deux enseignements ici sur les loges maçonniques. D'accord? Le rapport des loges maçonniques avec la sorcellerie, est-ce que c'est normal? Et ensuite, pourquoi les loges maçonniques ont sept péchés? Je parle de ça, les sept péchés des loges maçonniques. Ben, allez-y me suivre cette vidéo. Donc, les loges maçonniques, il y en a plusieurs familles ici aux États-Unis. La loge que monsieur George Washington suivait n'a rien à voir avec la loge de Prince Hall. Prince Hall, c'était un ancien esclave, mais qui s'est libéré. Et ça commence où? Ici, dans l'Ohio. Vérifiez bien les histoires. Moi, quand je vous parle de mes choses, je ne raconte pas n'importe quoi. Je vous avais montré là où j'avais été introduit, la loge de Blenden Lodge. De Blenden Lodge. Blenden Lodge, qui se trouve dans la ville de Westvale, non loin de chez moi, hein, à 22 minutes de là où j'habite. Donc, je sais de quoi je vous parle. Donc, ça, c'est le syncrétisme. Mais le syncrétisme aussi, mais on le retrouve au Gabon. Je veux parler de mon pays, le Gabon. Savez-vous qu'au Gabon, la plupart des pasteurs que vous voyez faire du bruit avec des longues barbes, n'importe comment, ils sont dans le Bouiti. Ils sont allés se faire initier au Bouiti. Oui, je vous dis, authentique. Ils sont allés voir. Mon grand frère, Atomori Benga, pourra vous témoigner si je raconte n'importe quoi. Mais en temps, ce sont les mêmes qui attaquaient le grand frère Atomori Benga. Ouais. Allez leur dire n'importe quoi, à lui raconter n'importe quoi. Heureusement que nous avions suivi ces débats-là, et ça remonte il y a bientôt 40 ans. Atomori Benga leur a convaincu qu'en fait, tous nous sommes des Nganga. Le Nganga, c'est un prêtre. Le Nganga, c'est celui qui apporte la guérison spirituelle pour libérer le peuple de l'ignorance, l'élever et le guérir spirituellement et physiquement. Bref, les églises du Gabon également, les pasteurs, je sais de quoi je parle. Les prêtres, ils sont allés manger le bois sacré. Mais pourtant, ils disent quoi? Que les Bouétis sont des diaboliques? Bon, là aussi, ce n'est pas de leur faute parce qu'il y a certains frères de Bouétis aussi qui sont des macros, qui font des mauvaises choses. Moi-même, je suis bouétiste, bien que n'étant pas un initiateur, mais je sais de quoi je parle. Donc, ça, c'est du syncrétisme. Mon grand-père, je vous l'ai dit, mon grand-père de son vivant, le dimanche, il est à l'église. Des fois, il prend la douche vite, vite, mais on trouve encore les craies, les traces de poudre blanche et tout ça sur son corps. Mais le samedi, il est allé danser son bouti. Il y a un bouti qui me parle, il danse, il danse. Et dimanche, il est à l'église. Léon Mba, le premier président de la République. Vous savez que lui aussi, il était catholique. Mais le plus grand syncrétisme qu'il a créé, c'est quoi? Catholique, bouitiste, il a mangé le bois sacré. Et ensuite, on l'a forcé de rentrer dans les loges maçonniques. D'où les accords caducs signés avec M. Général de Gaulle. Hein? Vous le savez? Donc, le syncrétisme peut être aussi un mélange. Hein? Vous avez un pied chez l'islam, vous avez un pied à gauche, à droite, mais vous ne voulez pas vous déterminer. Votre humble serviteur, je l'étais avant. J'étais très hésitant quand j'étais avec les témoins de Jéhovah. Donc, je faisais du syncrétisme. Mais mes frères témoins de Jéhovah ne savaient pas que, entre-temps, je faisais mes cours auprès de l'OSMI, auprès de M. Vincent Derkawi, que j'ai connu depuis les années 78. Et ils ne savaient pas ça. Mais je faisais ma campagne d'entraînement. J'ai lu tous les livres de Derkawi, Vincent Derkawi. Il paraît que là, il y a un jeune qui me suit, d'ailleurs qui me suit, je crois que c'est en me suivant qu'il a dû découvrir. Monsieur Vincent Derkawi fait également des séminaires à distance. Je faisais des cours avec Vincent Derkawi. Je faisais des cours avec Monsieur Bernard Lancelot. Mais j'étais témoin de Jéhovah. Donc, je me développais. J'avais des connexions avec les maisons de l'Inde. Lesquelles maisons qui étaient bien spécifiques, qu'ils n'avaient aucun problème avec ma religion. Et je n'avais aucun effet secondaire quelconque. Voyez-vous, là, je faisais du syncrétisme. Mais lorsque j'ai décidé de quitter les témoins de Jéhovah, lorsque je décide de quitter le christianisme, alors, depuis un bon moment, je vous dis quoi? rester ancré maintenant dans la tradition. Et c'est là où je suis, mes frères. J'ai abandonné les vrais bénéfices que je recevais dans les loges maçonniques. Je ne parle pas de n'importe quel, les loges maçonniques américaines. Je vous ai dit, oui, je n'ai pas encore donné ma démission, mais je n'ai pas de si plus au rite. Là-bas, on n'a pas sacrifié, on ne m'a pas demandé de sacrifier quelqu'un. Mais il a fallu que je sois clair et que j'écoute mes ancêtres. Car mes ancêtres se sont présentés à moi, comme je vous l'ai dit, à Carlisle en Pennsylvanie. Ils m'ont dit, de toutes les magies que tu as faites là, tu gardes seulement le rite des ancêtres comme on te l'a montré, comme ton grand-père t'avait montré. Et continue à aller au village. J'ai un grand frère pygmé là qui m'a promis de me montrer encore d'autres grandes techniques dangereuses. Hein? Voilà les techniques traditionnelles. Si j'étais au Gabon, ceux qui veulent avoir des grandes protections mystiques, je vous fais brûler, moi-même je mets le bois, je connais tout ce qu'il faut faire. Il y a une huile spéciale. Je peux vous faire asseoir vos fesses, vos couilles sur de l'huile qui est en train de bouillir à 1000 degrés, vous n'allez pas vous brûler. Ça, ce sont les peuples Kota et Sake qui m'ont appris ça. Ça, c'est la véritable tradition. Maintenant, si j'avais encore un pied à gauche, un pied à droite, je vais commencer à dire, oh, yayo, mais je vais penser quoi, t'as tignambi. On n'a rien à foutre avec cela. J'ai le respect quand je le dis vis-à-vis de nos frères et jeunes. Alors, maintenant, je vous ai dit quoi? Il y a un danger au niveau. Le danger, il est conscient, ils le savent. Ils le savent qu'en ce moment, les religions sont en train de perdre le succès. Mais ceux qui sont, moi je vais mettre un peu l'accent sur ceux qui font le syncrétisme. Mes frères et sœurs, vous qui êtes dans le syncrétisme, vous avez ce qu'on appelle chez nous en Gomien, Orol Ronche, Orol Rombene, veut dire vous avez un pied à l'eau, un pied par terre. Hein? Un peu comme le chien, quand il va, ah, ah, peut-être qu'il y a un crocodile, un bois qui va m'attraper le pied. C'est comme ça le chien fait. Je ne vais pas vous décourager, mais l'an 2022 est une année où je dois vous dire la vérité. Retenez cela. Avant, je vous disais. J'ai utilisé la diplomatie. Ce n'est pas parce que je fais cours de diplomatie politique que je vais vous encourager à le faire. Non, je vais être honnête avec vous. Les ancêtres là existent. Les pratiques que moi, j'ai commencé à vous donner en 2021, là, ça va s'accélérer en 2022. Là. Je vais vous montrer des vrais trucs. Mais, tout est vrai, mais ce que je vais vous montrer là maintenant, vous allez avoir, comme il y a une maman qui m'a posé la question, « Oh, mais est-ce que quand je vais faire le rite, là, ma grand-mère va apparaître la peur ?» Maman, pour toi, toi, tu as peur là, il faut laisser. Ce ne sera pas pour toi. Mais il y aura des rites que je vais vous montrer où les parents vont apparaître. Vis-à-vis. Est-ce que ça vous surprend? Ça ne devait pas vous surprendre? Je vous donne la preuve. Là, je m'adresse à mes frères chrétiens qui sont là en train de me regarder avec les gros yeux. Yo, le type là raconte quoi? Vous vous en souvenez? Je vous ai toujours donné le passage là. Matthieu chapitre 17. 6 jours après, Jésus-Christ de Nazareth, là, prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Retenez que Jean, c'est le frère de Jacques. Et il les conduisit à l'écart sur une montagne. Il les a amenés loin là-bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Jésus se concentre. Il se transforme devant eux. Son visage commence à briller comme le soleil. Ses vêtements qu'il avait deviennent maintenant bleu, blanc, une grande lumière se dégage. Les apôtres sont éblouis par la lumière. Et après ce phénomène-là, on voit quoi? Le verset 3 ajoute, Moïse, Élie et bien d'autres apparurent. Mais l'on vit seulement Moïse et Élie qui finit par s'entretenir. Ils ont eu une conversation avec Jésus-Christ de Nazareth. Pierre dit au maître, Seigneur, il est bon que nous soyons ici là-haut parce que, pardon, si tu le veux, on va rester ici là-haut parce que les choses qu'on voit maintenant là, ça commence à nous faire peur. On va même faire une place, une maison pour Moïse et avec Élie. Donc, Pierre dit à son maître qu'il serait bon même qu'on garde Moïse et puis Élie. Mais Moïse et Élie étaient déjà partis il y a de cela près de 4000 ans. Le verset 5 ajoute, comme eux, ils parlaient comme ça là, voici le verset 6. Lorsqu'ils entendirent la voix qui a parlé à travers Moïse, Élie, Jésus et les autres personnes qu'on n'a pas donné le nom là, tous les disciples sont tombés par terre. Oh, yayo, on ne va pas regarder ça. C'est la mort qui va venir. Yeshua, débrouille-toi là-bas. On ne veut pas voir ce cinéma là. Pardon. Et finalement, Jésus s'approche auprès de leur disant, « Ah, vous aussi, pourquoi vous tremblez? Levez-vous, n'ayez pas peur, hein? » Oh, Et voici la consigne que Jésus leur donna. Il leur dit, vous trois, ne parlez à personne de ce que vous venez de voir là, de ce que vous avez vu avec vos yeux. Ne parlez à personne, jusqu'à moi, c'est que moi je parle. Vous avez compris? Les disciples disent, oui, oui, on a compris, tata, on a compris. Ce n'est pas moi qui invente. J'ai peut-être fait un peu de la comédie là-dedans. Mais c'est consigné dans Matthieu chapitre 17, le verset 1,2,5 et 7. Quand vous parlez les choses, vous pensez qu'on est en train de blaguer. Donc, ces rites-là, vous allez les connaître en 2022. Le rite où vos ancêtres vont apparaître. Oui, oui, oui. Et moi, les gens qui vont à l'église, alléluia, alléluia, à droite, vous pensez que lui-même Jésus l'a dit quoi, votre Jésus-là? Il n'a pas dit que tous ceux qui croient en moi feront également ce que je fais. Et ils feront même des choses plus grandes que moi. Il ne le dit pas. Mais maintenant, aujourd'hui, nous, on a nos traditions. Quand on vous dit qu'on est capable de certaines choses, vous dites non, ça, c'est diabolique. Quand c'est diabolique? Donc, allez-y dire aussi que ce que Jésus fait, c'est diabolique. Lui-même, Jésus dit que tous ceux-là qui vont me suivre ou bien qui vont faire. Il y a des gens qui feront des choses même plus grandes que moi. Mais nous ne croyons pas à cet individu, à cette personne. Mais nous croyons aux révélations des paroles. Nous croyons, je dis bien croyons. Mais on a fait l'étude de comparer, l'étude de ce qu'on appelle l'étude comparée, et on s'est rendu compte que, mais en fait, il a eu cette capacité. Et en théologie, on nous a même appris ça, que si lui, il a eu cette capacité de guérir, de ressusciter, mais aujourd'hui, je vous signale qu'en notre 20e siècle, il y a des gens qui étaient capables de ressusciter. Je vous ai parlé de Laurence. Repartons au 19e siècle. Simon Kimbangu, saviez-vous qu'il a ressuscité des gens? Mais ça, les Blancs ne vous en parlent pas. Vous pensez que les Blancs sont bêtes pour vous dire que ça, c'est ce type-là, on doit le respecter, c'est un grand prophète. Mais il a ressuscité des gens. Il disparut, on le jette avec 100 kilos de l'eau dans l'eau là-bas, puis on le voit, il apparaît ailleurs. On le met en prison ici, on le voit, il est dans une autre ville. Mais alors, Kimbangu l'a fait, non? Mais parce que Yeshua, les chrétiens, a dit quoi? Mais il y a des gens qui vont faire des choses que je fais. Donc, bref, pour vous dire que quand on vous demande, je m'adresse seulement aux gens qui font le syncrétisme. N'ayez pas peur. Je comprends que vous êtes hésitant. Oh, moi, je ne vais pas abandonner petit Jésus comme ça. Oh. Parce que là, vous avez des doutes. Moi, je dis, celui qui est dans le syncrétisme, pardonnez-moi, je ne vous juge pas. Mais permettez-moi de vous dire la vérité. Je vous ai dit, en 2022, je ne veux pas trop vous chatouiller. Je veux être direct avec vous. Vous hésitez, vous tâtonnez. Ah non, là, je crois que j'ai encore peur. Vous avez un pied à l'eau, un pied à terre. Donc, il est grand temps que vous déterminiez, que vous vous déterminiez et que vous choisissiez le camp vers qui il faut vous orienter. Mais je vous dis, en vérité, vous ne le regretterez point. Vous pensez que moi, tous les bénéfices que j'avais, pasteur, vous savez combien on me payait? On me payait mieux que je gagne là où je suis fonctionnaire d'État. Et vous savez que la fonction publique à travers le monde entier, ils ne payent pas beaucoup. State employee. Renseignez-vous. State employee. Et nos salaires ne se cachent pas. Sauf les médecins. Ceux qui sont docteurs, docteurs. Et en plus, là, il y a même des rangs. C'est seuls les docteurs qu'on appelle neuros. Ceux qui font les histoires de neurones, là, qui opèrent les cerveaux. C'est ceux-là qui gagnent le plus, suivis par nous, les psychiatres. Mais les autres médecins, là, il n'y a pas grand-chose. Donc, les salaires ne se cachent pas, ce que je voulais vous dire. Vous pouvez même vérifier mon salaire en tant que fonctionnaire catégorie A1 ou bien A2, on appelle comment? Vous verrez, ou bien hors catégorie. Vous verrez. Bon, là-bas au Gabon, en Afrique, on parle de hors catégorie, mais ici, on part en fonction. Vous pouvez être, par exemple, bon, sauf les médecins. Médecins, il faut forcément un doctorat. Mais nous, vous pouvez être, par exemple, thérapeute, mais avoir le bachelor, et vous êtes donc dans une certaine catégorie. Vous êtes thérapeute, par exemple, 4. Thérapeute 4, c'est ceux qui ont le master. Et après, au-delà du master, donc thérapeute 4, en ce moment, vous devenez psychiatre. Là, il faut avoir un doctorat. Donc, il y a des catégories. Bon, bref, pourquoi si j'allais loin là-bas? C'est pour vous dire, il y a un choix à faire. Maintenant, orientez-vous vers le début. Parce que je vous dis, c'est le début du retour. C'est le début du retour, non lui traditionnel. Les entités parlent. Les ancêtres sont en train de se manifester, je vous dis. Parce que je n'ai pas le temps de vous faire écouter les témoignages de tout le monde, vieux comme jeune. et qui, pour la plupart, certains sont même des pasteurs, d'autres sont des gens simples qui hésitaient. Mais ces gens-là, parmi eux, je vous dis, il y a un qui m'a dit, maître, je continuerai. Et ça, j'ai oublié de vous mentionner qu'ici, aux États-Unis, il y a également des gens qui me soutiennent. Bon, il n'y a pas très longtemps, ils commencent maintenant à me soutenir. Ils expriment leur reconnaissance que monsieur Onouvier, ce que vous dites, ce que vous faites là, il n'est pas question qu'on vous laisse comme ça. Voilà, j'envoie ceci et je vous soutiens. Vous pensez que ces gens le font, c'est parce que je ne sais pas quoi? Non, ils savent la valeur. Peut-être que certains d'entre vous ne voyez pas la valeur de ce que je suis en train de vous enseigner ou de vous dire. Mais rassurez-vous, il faudrait que ce rendez-vous de 2022 soit un rendez-vous de pratique réelle, de nos rites ancestraux. D'accord? Maintenant, les listes sont en train de se faire. La réunion va commencer sûrement vers la mi-janvier, là, ou le début janvier. Nous allons donc, au niveau de la France, ils vont me recevoir. Vous, au niveau des États-Unis, organisez-vous. Il y a maintenant les cagnottes qui sont ouvertes. Les cagnottes, je tiens à informer, c'est très important pour conclure, que la cagnotte du retour aux traditions africaines, là, c'est simplement pour ceux qui, quand ils me voient, ils m'égosillent et s'il a parlé, c'est réservé à ceux-là qui disent, non, papa, tu nous as enseigné, voilà, je vais mettre quelque chose. Quand je suis sur ma page Facebook, là-bas, les messages vous touchent, vous dites non. Où est la cagnotte, là? Je mets quelque chose. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les séminaires. La cagnotte des séminaires, c'est un compte à part qui va être organisé par chaque groupe. La France a son propre compte là-bas. Et c'est là-bas où des fonds et des montants vont vous être déterminés, vous être dit. On vous dira, il faut payer tant pour la participation au séminaire de, par exemple, X nombre de jours, si c'est 4 jours ou bien 5 jours. Mais cette cagnotte que vous allez cliquer, quelqu'un m'a posé la question, je ne la retrouve pas, c'est là. Si vous avez un téléphone Android, pas le téléphone iPhone, ça ne passera pas. Mais si vous avez un téléphone iPhone, passez donc par quelqu'un qui a un téléphone Android pour suivre mes vidéos sur ma chaîne et vous cliquez en dessous et vous allez voir, c'est le premier message même qui apparaît. Premier message. Vous verrez, c'est là. Et on va vous montrer le lien. C'est l'Echi. C'est même écrit, hein? Retour à nos traditions. Attendez que je lis ça correctement parce que je ne veux pas que je dise de bêtises. Vous verrez, parce qu'il y a encore les gens qui m'ont posé. C'est vrai que ça a commencé seulement aujourd'hui. Et puis les gens s'embrouillent encore. Tatignambe, où est mon téléphone? Oui. Voilà, et les gens qui s'embrouillent encore. Pour ceux qui s'embrouillent encore là, permettez-moi que je vous répète exactement comment le message se présente. D'accord, je vais vous montrer ça. Voilà, retour à notre tradition africaine. Attendez que je rentre là-dedans. Vous voyez, retour à notre tradition africaine, c'est là-dedans. Vous pouvez directement par un clic rentrer là-dedans. Et quand vous allez rentrer là-dedans, vous déversez votre cagnotte. Merci pour les 3 personnes qui ont déjà versé. Vous voyez, les noms même apparaissent. Il y a déjà 3 personnes qui ont versé quelque chose. Je vous remercie. Ça, là, c'est une cagnotte. La cagnotte Lechi qui a été proposée ici. Et vous verrez que quand vous allez rentrer là-dedans, on va vous demander de partager également sur Facebook. Faites-le, s'il vous plaît. Tous ceux qui me suivent là, vous êtes combien là à peine? Bon, il y a 40 personnes ou bien 45. Que chacun de vous envoie dans vos pages. Chacun de vous sûrement a une page Facebook. Donc, balancez ça dans vos pages Facebook. Donc, c'est ça, là. C'est le titre, c'est « Retour à notre tradition africaine », lechi.com. Ce fonds-là, c'est, souvenez-vous, je vous disais que, j'ai même parlé de ça hier, que je ne vais pas attendre YouTube pour 25 000 vues. Les 25 000 vues, là, mais ça va attendre beaucoup d'années pour pouvoir ouvrir maintenant un site Internet dans lequel ces enseignements-là, il y aura des rites que je ne peux pas montrer au public, mais dont vous aurez accès, vous payerez peut-être à un taux fixe, peut-être 15 $ par mois, ou bien on va vous demander par exemple 50 € par an ou quelque chose comme ça. Ça là, YouTube a dit il faut 25 000 machins. OK? Bon, maintenant, moi je vous ai parlé des livres et tout et tout. Vous ne pouvez pas. Moi je vais vous demander individuellement. Vous allez me donner 50 000 $ là, l'équivalent de 26 millions. Non. Donc, c'est en donnant ces petits fonds de Lechi là. Quand je parle, à la fin des fins, vous avez remarqué que ça a été ouvert pour un an. Donc, cet argent ne doit pas être touché. Je suis le bénéficiaire, donc Tétan Zambé, l'élu de Tétan Zambé, le bénéficiaire. Et comme je vous parle là, je ne peux pas vous cacher, si vous voulez, je peux vous dire le montant qu'il y a, mais ce serait trop tôt. Mais je peux déjà vous dire que pour le premier jour, il y a eu 3 personnes qui ont versé. Ça a commencé seulement hier. Et pour les trois personnes qui ont versé là, c'est presque 300 euros, voyez-vous. Mais si au bout d'un an, parce que ça a été ouvert pour un an, et je ne peux pas, on ne peut pas ouvrir ce compte-là avant un an, ça a été programmé pour 365 jours. Donc, après les 365 jours, si je peux trouver là-dedans 50 000 $ ou bien 50 000 €, pourquoi pas? C'est possible, il y a des gens de bonne volonté. Mais c'est avec ça, mais on va être content. Je vous dirai, oh, vous avez donné l'argent, voilà. Le livre va être imprimé immédiatement. Un mois plus tard, boum, le livre sort. C'est un exemple sur le livre. Ça peut être aussi pour me permettre de me déplacer à venir là-bas au Gabon, en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous là-haut, il y a vous gratter la tête. Ah, mais nous, ici, là, on a des problèmes. Le COVID nous emmerde. Le gouvernement, là, il s'embrouille. Madame Bourancho dit autre chose, mais les autres ministres, là, ils s'embrouillent. Maintenant, on ne comprend plus. Mais entre-temps, il a frappé sur la table disant que, ouais, les gars, ils copient, ils ont raison, il faut appliquer. Maintenant, on fait comment? Au lieu de vous embrouiller tant, vous êtes fonctionnaire, vous êtes commerçante du marché, mais vous aussi. Mettre seulement un petit 5 000, ça vous empêche quoi? Même si vous êtes chômeur, vous pouvez trouver un moyen de mettre quelque chose. Il y a des cartes bancaires et des cartes Visa qui s'achètent. Je crois même en Afrique, ça s'achète. Trouvez un voie moyen pour pouvoir mettre dans votre litchi, là. D'accord? Voilà pourquoi je n'ai pas voulu mettre, vous demander un taux. Parce que si je vais vous demander de donner chacun 50 000, on va dire, oh non, le maître, lui aussi, c'est trop. Non. Donc, donnez quelque chose qui peut nous motiver et de faire d'autres choses. Et je ne vous ai pas dit, je vous ferai la surprise la semaine prochaine. Le groupe là, nous sommes 4 personnes. J'ai réuni tous mes génies de l'informatique. Tous c'est des jeunes. Je vous ai parlé de mes enfants là. Un qui est au Maroc, l'autre qui est au Sénégal, l'un qui est du côté de, on appelle ça comment, Sao Tome Principe. Et je crois qu'il y aura un cinquième, un quatrième qui est en France. Tous ces jeunes là, c'est des enfants. Je les appelle mes enfants. Voyez-vous? Et certains ont appris avec mon fils, d'autres, ce sont des enfants qui me soutiennent beaucoup, qui me considèrent comme leur papa. Et comme ils savent que moi, je suis un illettré là, dans les histoires de la technologie informatique, moi, je ne suis seulement qu'un utilisateur, ils ont dit non, papa, vraiment, on va avancer, c'est l'an 2022. Je vous dis, ils m'ont fatigué aujourd'hui, voilà pourquoi, vous me voyez, je parle, puisque j'avais déjà coupé la loi depuis ce matin, ils ont dit non, papa, pardon, fais des exceptions dans ces histoires-là. Donc, il y a des choses qu'on va prévoir, il y a des choses, je ne veux pas en parler pour le moment, il serait trop prématuré. Vous verrez beaucoup de changements. En termes de communication, en termes de comment on va booster le système de boosting ici et dans Facebook et tout et tout et tout. Donc, s'il vous plaît, on avance pour l'an 2022. Il y a beaucoup de progrès. Ne négligez pas cette ligne-là qui vous est montrée là sur le show, là, machin. La cagnotte. Il faut mettre la cagnotte. Je le répète que la cagnotte n'a rien à voir avec les séminaires. La cagnotte, c'est que à la fin de cet enseignement, est-ce que ce que j'ai dit est bon? Oh, vraiment, ça m'a touché. Bon, moi, je vais donner même 10 francs. C'est ça. C'est pour cela que la cagnotte a été créée. Je ne viens pas venir parler ma salive comme ça. Quand un chef du village, vous réunit les gens au village là-bas, sauf si ça a changé. Vous savez que les chefs de quartier chez nous au Gabon, ils n'ont pas plus de 50 000 par mois. Mais comment ils vivent? Mais c'est quand il y a des palabres. Hein? Monsieur Mabako, oui. Oh, toi, si tu as des problèmes, pourquoi tu allais toucher la femme de Mandjango, hein, sa troisième femme? C'est pas parce qu'il est ministre. Maintenant, toi, tu vas aller t'embrouiller avec sa femme. Ah, oh, vous là, vraiment. Oh, mais papa, il n'y a pas de problème. On va arranger le problème. Maintenant, le chef du village ou le chef du quartier. Mais on lui donne des enveloppes. C'est pareil au Congo, au Cameroun, au Gabon. Moi, j'ai vu ça. J'ai été dans les villages. Donc, quand le chef du quartier parle, le chef du village parle. Il parle, il donne les proverbes. Moi, j'ai commencé avec les proverbes là en Échira. Vous comprenez ce que ça veut dire? Mais je vous ai traduit en français. Je parlais en gomienne. J'ai versé ma salive. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Si j'étais chef de quartier. Mais ah papa, vraiment, tu as bien parlé, oh merci, on t'a amené 2 poulets. Oh, moi j'ai amené les tarots. Bon, moi j'ai amené une enveloppe, papa, il faut prendre. Hein. Et ça fait du bien pour le chef du quartier. Parce qu'il ne gagne que 50 000 par mois. Moi je vous dis, hein, même moins. Des fois on les paye même tous les 3 mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un au Gabon pour me confirmer, Tatignan, c'est ce que je raconte, c'est ce que je dis là. Je vous dis, les chefs, oh non, à mon époque, les chefs de quartier, on leur payait, je crois, une affaire de 15 000 francs. Par trimestre. Mais c'est grave. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Maintenant, ils vivent comment? Mais ils vivent sans fonction des donations. Voyez-vous? Ce sont les donations que les villageois donnent. Ce sont les donations que les habitants du quartier. Également les terrains. Parce que le chef du quartier, il est chef des terrains, là, des brousses. Et vous voulez acheter un terrain, eh bien, vous allez donner... parce que c'est le chef du quartier qui va contacter, comment dirais-je, qui va arranger le litige, qui va dire oui, je connais ce terrain-là. Il connaît tous ses villageois. Et c'est quelqu'un de mystique. Il est spirituel. Tout vrai chef du village. Donc, je suis votre chef du village en quelque sorte. Et maintenant, pour essayer de me donner, au lieu que je continue à boire mon verre d'eau, c'est pas mauvais, ça me donne la santé. Ça ne me dérangerait pas qu'à la fin, vous me donnez le prix d'un whisky ou bien d'une regarde pour une donation. Voilà pourquoi on a créé le litchi là. C'est pour éviter que je parle en l'air sans être motivé. Il faut motiver pour ne pas me décourager. Voilà, j'en ai terminé. C'est ça dont je voulais vous parler. Pour résumer ceci, c'est le début du retour à nos traditions africaines. Et quand je parle du début du retour à nos traditions africaines, il ne sera pas question pour moi de venir vous enseigner ici, là, Alléluia, notre Père, je n'ai pas besoin de ça. Ça, je le ferai en privé, pour ceux qui veulent. Mais quand je viendrai faire mes enseignements, c'est ma détermination et c'est ma résolution. Je viendrai pour vous fatiguer avec les histoires des Bibles ici, là. Ça, je vous le promets. D'accord? Ça, c'est un. Et de deux, le retour à nos traditions veut dire que je ferai l'effort de, comme je vous ai promis l'an dernier, il faut... Merci beaucoup. Voilà quelqu'un qui dit, il est pour la spiritualité ancestrale à 100%. Voilà, c'est ça là que je vais entendre de vous. Pas question d'être des syncrétismes, des syncrétistes. Ah, papa, moi j'ai encore mon pied ici là, alléluia. Ou peut-être que il y a l'ancêtre qui va me gifler et que Jésus viendra au secours. Non, je ne veux plus voir ça. Il ne faut pas avoir peur. L'ancêtre ne va jamais vous gifler. Je le prêche tous les jours. Qu'il ne faut pas dealer avec un ancêtre qui était un bandit. Parce que je le dis et je ne ferai que vous le dire, je ne me fatiguerai jamais. Dans la préparation au cours des rituels, je vais dire au cours des séminaires, je vais vous montrer, même en France, là, je n'avais pas montré tout ça, mais je vais maintenant vous montrer le béaba, partant de la préparation psychologique, psychique, physique, partant du terrain, votre natte, la peau des bêtes, le tissu que vous devez porter, et tout, les jeûnes, la privation sexuelle, la bouffe, tout ça là. Il y a toute une rituelle. Et je vais vous préparer sur ça. Nos ancêtres, les morts ne sont pas morts. Et vous le savez très bien. Ils ne font là, ils sont là, c'est mal, en train de se gratter la tête. Mon Dieu, pourquoi mon fils Mbadinga s'embrouille? Oh là là! Oh là là! Pourquoi? Pourquoi? Ils sont là. Mais malheureusement, vous ne savez pas qu'ils sont en train de souffrir. Pas souffrir, mais au sens que vous pensez, non. Ils sont dans le monde des possibilités. Ils ne sont pas en enfer, ni au ciel. Non, ils sont dans le monde des possibilités. Donc, il est de notre droit, comme je l'ai dit, je ne veux pas jeter du sable, c'est ce que j'ai dit au début de mes propos, de nous connecter avec notre cordon ombilical ancestral. Même les Américains l'ont reconnu. Des grands scientifiques le reconnaissent. Même M. Léopold II, que Dieu ait son âme là-bas. S'il y a quelqu'un qui devait être allé en enfer, hein, c'est lui. Mais pardonnez-moi. Parce que c'est lui. Mais il a quand même dit quelque chose d'intéressant en disant aux prêtres et aux pasteurs du temps, à l'époque, vous, quand vous allez en Afrique, ce n'est pas pour aller renseigner qui est dit. Ils connaissent. Ils savent, ils respectent leur Dieu. Tatan Zampe. Léopold avait appris Tatan Zampe parce qu'il avait des envoyés. Ils savent que notre Dieu, Tatan Zampe, me dit Bwanga Bwanga, Tata Mwanga. Il est très puissant, le Dieu des tonnerres, le Dieu de tout, qui fait bouger tout, qui est capable de calboigner les gens. Et j'ai répondu à la question aux gens qui continuaient à me dire, oh, mais les ancêtres, maintenant, là, à cause d'eux, on souffre. Suivez-moi la vidéo, elle est là, vous-même vous avez vu en moins de 5 jours, on est presque à 4000 vues. Ça veut dire que le contenu de ce message est très puissant. Veillez donc re-suivre cette vidéo, re-suivez, afin de laver votre cerveau de toutes les idées préconçues sur l'action de nos ancêtres et de les critiquer, de les blâmer à chaque fois. Je suis d'accord, 100% au retour à la ancestralité. Et cela doit être les objectifs de l'an 2022. Et que cours des séminaires qui vont être organisés, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, que ce soit un peu partout, rassurez-vous, ce sera cela. Martinique, Guadeloupe, je sais que vous m'appelez. Vous ne faites que me faire des demandes. Entendez-vous là-bas au Guadeloupe. Peut-être toutes les îles des Caraïbes, Guadeloupe, Martinique et autres, Domingo, Haïti, vous pouvez peut-être vous entendre et choisir une ville très mystique, telle que Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est la ville où j'ai visité, c'est une ville très mystique. Port-au-Prince, la capitale, bien sûr, de Haïti. C'est proche des États-Unis, mais vous pouvez m'appeler également là-bas, en Guadeloupe. D'accord? Organisez-vous en groupe. Faites quelque chose. 10, 20, 30 personnes. Et puis, je vous dirai, on va créer une cagnotte pour vous. Parce que vous ne faites que me demander, oh, mais maître, vous allez venir quand? Ne me contactez pas en individuel. Parce que je ne peux pas me déplacer pour une seule personne. Sauf si vous êtes millionnaire, vous allez vous charger de tout. Mais organisez-vous en groupe. D'accord? Quand je parle de millionnaire, je ne vais pas demander vos millions, mais je vais dire, payer l'hôtel, payer l'avion, payer la maison, payer l'endroit où je serai, parce qu'il faudrait que ce soit au bord de mer, comme je l'ai fait la dernière fois au Havre. Le Havre est au bord de mer. Donc, forcément, il me faut la mer à côté. Il me faut la mer naturelle. Il me faut la forêt. Donc, la balle est dans votre camp. Vous qui êtes dans les côtés de Martinique. Vous venez maintenant, vous, en Afrique. Abidjan, préparez-vous. Port-Gentil. Douala, préparez-vous. Pointe-Noire, préparez-vous. Et essayez de vous organiser. Voilà ce que je tenais à vous dire à la fin pour pouvoir justement comprendre que c'est le début du retour à notre tradition africaine. Et que ce début doit être concrétisé de cette année. Et que cela ne doit plus être la blague. Et on ne veut plus voir des histoires de syncrétisme. Ceux qui sont chrétiens, je vous respecte. S'il y a des enseignements à vous donner, contactez-moi en privé. Je ne veux plus donner des enseignements ici là-dessus des histoires de christianisme. Cette chaîne de Nelu de Tétan Tampé, c'est uniquement 100% spiritualité négro-africaine, spiritualité africaine. D'accord? Donc, nous sommes déterminés tous pour l'an 2022. Musulmans, s'il y a des problèmes, des histoires, des syncrétismes, des soufismes là, bon, ça aussi c'est pareil, contactez-moi en privé. Je ne veux pas venir fatiguer déjà. Ici, la plupart des abonnés, à 90%, c'est des jeunes, des vieux, des papas, des mamans qui ont dit nous, 100% spiritualité. Mais ils ont dit, nous, on choisit ce qui est bon. Nous, on ne va pas faire la sorcellerie là. Bon, papa, toi, tu as un autre niveau. On ne va pas aller vouloir se faire gifler. Mais si tu vois le rite divin là, on veut. Mais les histoires de litre d'aller, le rite d'aller prendre le chapeau noir au cimetière, pardon, papa, c'est trop fort pour nous. Il y a des gens qui discutent avec moi. Donc, il y a tout. Vous avez tout le cocktail. Tout le cocktail est là. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Je vous ai gardé longtemps. Tatignambi. Il est que l'heure même de minuit dépassé. Waouh. Tiens. Alors là, je suis surpris. Hein? Vous avez veillé avec moi jusqu'à 2h du matin. Merci. Je crois que ce n'est pas nécessaire de mettre la musique. Je vous remercie de m'avoir suivi. Maintenant, si je crois que ceux qui sont ici aux États-Unis qui me suivent, est-ce qu'ils ont des questions? Papa, j'ai reçu mon arbre généalogique jusqu'à mon 15e arrière-grand-père. Oh, félicitations! Félicitations! C'est très bien! Maintenant, il faut m'écrire ça sur un papier avec de l'encre noire. Si tu avais du parchemin, tu écris cela. Quand tu écris sur du parchemin animal, c'est-à-dire sur une paire de peau de bête, bien là, et tu te concentres, tu écris bien les noms là. Quand tu vas les appeler, tu me diras. Ça, c'est très puissant. Je suis très content pour ce genre de nouvelles. Merci beaucoup. Et maintenant, ceux qui vivent aux USA, là, peut-on venir vous voir directement? Toi, tu vas venir me voir ici comment là? Non, faut pas venir me voir en privé comme ça. Non, il faudrait vous organiser. Ceux qui sont aux États-Unis, je sais qu'il y a beaucoup qui sont à côté. Je ne peux pas voir individuellement comme ça, sauf si c'est des consultations, je vous le fais. Et puis, il y a même un là que j'avais rendez-vous tout à l'heure. Il est à côté, là, il est à New York. Quand il s'agit de séminaires, les conditions au niveau de l'Ohio, c'est compliqué, surtout en ce moment. Par contre, nous pouvons choisir le Texas. Et ça a été toujours le choix. Pourquoi? Parce que le Texas a les mêmes conditions climatiques que l'Afrique. Pas n'importe quel Texas, je ne parle pas de Dallas, hein, parce que j'ai été là récemment à Dallas, oh, pardon, il y a un froid à mourir, il fait même plus froid qu'ici. Je fais par exemple, je fais allusion à Christie, je fais allusion à San Antonio, je fais allusion à une partie de Houston et les autres villes là où il fait chaud là-bas. Hein. Donc, des questions climatiques, c'est bon. Mais l'Ohio, là, c'est pas facile. Il faut attendre forcément le summertime. Maintenant, on le summertime, il faudrait qu'on s'organise pour pouvoir trouver un emplacement. Et tout cela, c'est la balle, c'est là toujours dans votre camp. Je sais que je vais dire à la personne qui me pose la question, c'est mieux que ceux qui sont aux États-Unis vous organiser en groupe comme est en train de le faire la France. La France est en train de le faire. Je crois qu'il y a une maman qui a lancé une liste, qui a posé une question. Elle est partante pour qu'on se retrouve. Elle est l'unique, le seul. Bon, je ne sais pas, les autres n'ont pas répondu. Je vais vous balancer son contact tout à l'heure sur le forum. Elle se présente, elle a dit, elle aimerait que tout le groupe des États-Unis se retrouve et elle est d'accord et garante pour que vous retrouviez au Texas. C'est aussi simple. Le Texas, c'est à cause du climat. Donc, vous pouvez vous retrouver là-bas, au Texas. Dans l'Ohio, ce n'est pas très, très facile ici, là. Et le coût de vie est très, très, très élevé. Pour vous aider, quoi, à la matière. Mais maintenant, je dis pour les consultations ou bien si vous voulez une guérison que vous habitez l'État de l'Ohio, il n'y a pas de problème. Ça, on peut trouver des voies et moyens, comment je peux m'occuper de ça. Mais si c'est pour les séminaires, non, il faut se déplacer. Vous êtes en retard, Kasongo. J'avais déjà répondu à cette question. Vous voyez, monsieur Kasongo ou madame, monsieur, autant pour moi, est-ce que vous avez pris la peine de suivre ma vidéothèque? Et pourtant, j'ai répondu à cette question. Je parle de ça dans le terme qu'on appelle prototype, c'est-à-dire qu'un ancêtre qui s'est réincarné plusieurs fois, il a ce qu'on appelle le prototype. C'est comme si on posait la question, mais un seul Jésus, là, par exemple, je prends le cas des chrétiens, un seul Jésus, comment le même Jésus va se manifester sur 1000 et 1 personnes? Quel par comment? Mais c'est un prototype, c'est un égrégore. Mais c'est la même chose pour votre ancêtre. Je l'ai expliqué, vous aussi, Kasongo, mais il faut suivre. Venez me poser des questions sur ce que j'ai déjà donné. Je peux développer ça. La vidéo, elle est disponible. J'explique ce phénomène-là. Dans les forums, j'ai répondu à cette question plus de 1000 fois. Pour un ancêtre qui est déjà réincarné, si c'est déjà réincarné, je vous ai même donné l'exemple de mon propre grand-père, que nous sommes près de 500 rejetons des Onouviers. Je vous ai répondu à cette question, oui ou non? J'ai répondu à cela. Et j'ai expliqué, j'ai même pris l'exemple des Honda, les véhicules Honda, les véhicules Toyota. Comment expliquer qu'une Toyota puisse produire des millions de véhicules? Par exemple, Toyota Tundra, P2, ça fait, c'est une marque ici. Ou bien la Tundra toute simple, Tundra STD. Bon. Mais parce que Tundra STD a un prototype robotique qui est programmé et qu'à chaque fois, on va répéter la reproduction. J'ai expliqué cela. Si les humains sont capables de le faire. Donc, allez-y, suivre les vidéos, vous aussi. Vous posez les mêmes questions tout le temps. Non, non, non, on n'est pas là pour acheter. Quel pouvoir vous avez pour acheter un ancêtre qui est au bas astral? Vous tournez en rond là. La dernière fois, pourtant, il y a la vidéo qui est là. C'est la troisième vidéo avant celle-ci. Trois vidéos avant celle-ci. Où j'ai dit, pourquoi mettre le blâme sur nos ancêtres? J'ai dit quoi à l'introduction? Je vous ai dit que vous ne pouvez pas dealer avec des ancêtres qui ont fait le mal. Mais ce sont les ancêtres qui sont au bas astral. Les ancêtres qui sont au banc de touche. Je vous l'ai dit, oui ou non? Hein? La vidéo, elle est là, non? Je parle de que faut-il faire des ancêtres, des esprits qui sont au bas de touche. J'ai parlé de ça. Mais est-ce que vous suivez mes enseignements là, Kasongo? Je réponds à ces questions. Soyez bon étudiant, s'il vous plaît. Les questions que vous me posez sont déjà répondues. Je vois bien votre question, elle est claire. Vous dites quoi? Avez-vous un rituel pour racheter nos ancêtres du bas astral vers les régions? Non! Vous allez racheter pourquoi? Pourquoi on va faire un rituel pour racheter? Quel pouvoir vous avez? Non! On n'est pas là pour faire des rituels, pour rappeler, pour faire quoi? Il faut être à un niveau, je ne sais pas, il faut être Dieu ou bien je ne sais pas trop qui. Non, pour utiliser l'expression de nos frères de la loge blanche, pour amener quelqu'un vers Shambhala, c'est une affaire individuelle. Pour partir du bas astral, le bas astral c'est quoi? Mais ils sont dans le monde des ténèbres, c'est pas qu'ils sont en enfer, mais ils sont seulement au banc de touche. Ils sont punis de par leurs actions, ils doivent se racheter, d'autres qui attendent une... J'ai expliqué cela, la vidéo elle est là, je ne vais pas me répéter. Aller vers une réincarnation, je vais même appeler ça une réincarnation vacancière. J'ai parlé de ça, oui ou non? Mais maintenant, vous allez utiliser un rite pour les appeler, pour les amener vers la lumière. Ça a commencé comment? On n'a rien à foutre. Ils ont fait des bêtises, vous voulez aller les provoquer. Pourtant, je vous ai dit au début de mes propos que ne vous dealez pas avec les ancêtres qui ont fait du mal. Chacun paye son karma devant Dieu. Voilà. Le salut est personnel. Vous n'avez pas le droit d'aller donner le salut à quelqu'un. Qui êtes-vous? Non! Donc, le rituel ne peut pas exister, ça n'existe pas. S'il y en a écrit, je sais qu'il y a des gens qui ont écrit des livres, bon, je peux vous citer quelqu'un, non? Qui ont écrit des livres comme ça, mais ça, c'est des bricoles, c'est n'importe quoi. Je vous dis, c'est n'importe quoi. Non, non, non, non, non. Faut pas le faire. Bien, je crois que j'en ai terminé. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci beaucoup. Vous cherchez du travail, vous voulez... Non, mais là, il faut me contacter en privé, Patricia. Il faut me contacter en privé. Si vous voulez du travail, ça veut dire qu'il faut faire des travaux spirituels pour la situation du travail. Et vous avez, je ne sais pas combien de temps vous me suivez, il y a des rites qui sont là, des rites très faciles que vous pouvez faire pour la question du travail. Il y a des rites, vous pouvez même utiliser votre mental. Il y a des formulations. Il faut me contacter en privé, maman. Donc maintenant, là, vous avez vu, je parle un dimanche comme ça, c'est parce que le silence a été cassé à cause du grand travail que j'ai fait durant la journée avec les enfants. Près de 6 heures de temps, je suis très fatigué, mais ça va, je tiens debout, et vous me contactez en privé, et je vous répondrai jeudi, parce que là, mes jours de silence vont maintenant doubler, pardonnez-moi, je ne dois pas manquer les 3 jours par semaine, je commencerai donc lundi, mardi et mercredi, donc c'est jeudi, s'il vous plaît, Patricia, laissez le message, d'accord? Laissez-moi le message en privé, Mais j'ai compris, je vous engueule pas. Passez le message en privé. Et puis comme ça, je vous dirai les étapes à suivre. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir trouver une solution à ce problème-là? Mais maman Patricia, retenez bien que les objectifs de mes enseignements ici, ce n'est pas pour faire du charlatanisme, malheureusement. Je ne suis pas un charlatan, je ne suis pas un guérisseur, mais les dons que j'ai me permettent de le faire au passage. Donc ne m'en voulez pas, parce qu'il y a trop de demandes. Les gens ne font que me demander, mais je décline parfois. Je dis non, mais mes gars, quand même. Attendez que je prenne ma retraite et je ferai ceci full time, je le ferai à plein temps. Mais pour votre cas, comme vous m'expliquez là, ce que c'est une urgence, on va trouver des solutions. D'accord? J'en ai terminé. Que Tétan Mwanga vous bénisse. Merci encore. Et j'espère que nos objectifs vont être atteints par la volonté de Tétan Mwanga, la volonté de nos ancêtres. C'est cela que nous voulons. 100% retour à nos traditions africaines. Et c'est ce retour-là qui est imminent, parce que le début, le commencement, ça a déjà commencé. Et nous voyons le déclin au sein des églises, des religions qui nous ont été imposées et importées, et le syncrétisme qui commence à battre le plein, c'est-à-dire, et même les animistes, on les appelle comme les athées aussi de leur côté commencent à avoir un succès, mais un succès de la confusion. Parce que beaucoup de ces athées vont maintenant dans le syncrétisme, donc ils sont obligés de mélanger. Ben, nous gardons la tête haute parce que nous avons compris maintenant que le véritable chemin de la réconciliation et de la reconnexion avec nous-mêmes, c'est le cordon ombilical ancestral. Ce cordon ombilical ancestral passe par ce filigrane invisible qui est connecté à notre nom de naissance. Voilà pourquoi je vais repartir dans le message vers le message du vieux Mobutu dans les années 72 jusqu'en 75. L'authenticité, votre nom et votre prénom doivent être le nom du terroir. Et ça vous connecte réellement avec les vôtres. Soyez tous bénis. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Que Tétan Mwanga vous bénisse. Merci. Merci encore. Merci.